Trouver le docteur Belinghi qui s'impatiente tout près de vous là-bas. Docteur Belinghi, vous avez suivi cet élément, ces extraits de réseaux sociaux camerounais. Vous avez aussi suivi les réactions de Camerounais par rapport à une marche qui serait donc programmée le 22 de ce mois de septembre. Nous souhaitons vous écouter sur ce sujet. Et vous pouvez compter sur moi de ce côté-là. Mais j'aimerais bien que vous me donniez assez de temps parce que je suis la seule femme sur le plateau, mais j'ai moins de temps pour parler. Et j'ai beaucoup à dire, vraiment. Alors, je voudrais d'abord vous remercier encore et vous demander de m'accorder vraiment du temps. Parce que le problème Camto nous sature pour rien. Nous sommes actuellement à l'âge d'or du dialogue Nord-Sud. Et je crois que cette période n'est pas une période où les Africains doivent se distraire ou être distraits. Je m'explique. Nous avons été colonisés, d'accord. Nous avons été torturés, très bien. Nous sommes exploités depuis des siècles, c'est bon. Nous sommes à la sortie. On souffle un peu. Et dans cette sortie, Madame Ndomo a bavé. Je vous dis que vous mentez. Au nom du Dieu Tout-Puissant qui m'a mise dans cette situation où je n'arrête pas. Au nom de l'amour du Cameroun. Au nom de mes parents, mes aïeux. Au nom de ceux qui sont dans les chaînes d'esclavage de par le monde. Arrêtez le cinéma. Je vous avais dit que the game is over forever. Si la France veut coopérer avec nous. Si quelqu'un sort en route en France pour marcher au nom du Cameroun et la France n'agit pas, je vous dis que j'ai la nationalité française, pas parce que j'ai épousé quelqu'un. J'ai perdu ma fille au tsunami. Troisième point. Est-ce que vous êtes au Cameroun, vous avez entendu un jour que quelqu'un s'est levé pour pleurer? Cette femme qui a perdu sa femme, son enfant au tsunami et qui est allée elle-même sur place chercher sa fille et qui l'a trouvée par l'anthropologie que j'ai utilisée, que j'ai étudiée. Est-ce que vous avez essayé un jour de chercher cette femme? Me voici. Je suis française aujourd'hui et vous venez mettre le tapioca dans nos relations où nous devons essayer de retravailler avec la France. Où nous avons nos rejetons ici, qu'on appelle réellement diaspora. Nous ne pouvons pas faire de guerre avec la France, parce que nous avons une famille commune avec la France. Mais c'est le commerce international qui nous disloque, parce que vous, là-bas, vous ne connaissez pas les règles du commerce international. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la coopération internationale, je vous le dis. Ceux qui bavardent ici dehors, ils ne savent pas qu'ils violent les règles de diplomatie. Nous sommes clairs. Moi, je n'appartiens pas à ceux qui disent qu'il faut négocier avec la France. On n'est pas là pour demander quelque chose à la France. Nous allons imposer à la France des choses qu'elle refuse d'accepter. Je ne suis pas naïf. Lorsque le rapport du Sénat français, je vous l'ai dit, c'est 600 pages, nous l'avons ce rapport. Allez lire. Quand quelqu'un vous dit que mon avenir, c'est votre pays, vous allez négocier quoi avec lui? Mais je pose la question. À ce que parle de diplomatie, des bêtises là. Les sénateurs français ont fait un rapport, 600 pages du fond, rapport commandé par l'État français. Ils disent que notre avenir, c'est l'Afrique. Ils ont demandé à quel peuple africain de donner leur accord dans ça. Déjà, vous dites que leur avenir, c'est vous. Vous négociez avec eux. C'est une déclaration de guerre. De manière feutrée. Ça veut dire que par tous les moyens, il faut qu'on vous écrase pour que la France vive. Alors moi, Bandakani, je ne suis pas dans une posture de négocier, de supplier la France. Nous allons imposer à la France, mon cher Ifono. Et si pour ça, il faut faire la guerre, on fera la guerre. C'est après la guerre que les relations entre la France et l'Allemagne se sont normalisées. Lorsque chacun a vu ce qu'il valait, maintenant il marche main dans la main pour l'Europe. Mais la France sait très bien qui est l'Allemagne. L'Allemagne sait très bien qui est la France, mon cher Guy Fondop. Il faut arrêter cette comédie-là qui ne sert à rien pour le Cameroun. La France est notre ennemi historique. C'est notre bourreau. On a dû faire la guerre, mon cher Guy Fondop. Maintenant, les moyens, c'est un autre débat. Mais ce principe-là, n'est pas discutable, mon cher Gifondo. C'est dans cela qu'il faut inscrire toute cette dynamique que nous sommes en train de conduire, de mener, mon cher Gifondo. Comme le Ndiamène, c'est pour l'émancipation du Cameroun. C'est pour payer notre dette à l'égard de ceux qui nous ont précédés et qui ont versé leur sang pour ce pays. C'est ce que Paul Biya a dit dans un grand discours en 2013. Il a dit, nous marchons sur les pas de nos héros nationaux qui ont versé leur sang pour le Cameroun. C'est le président Biya qui le dit dans un discours. Je ne le contredis pas. Merci à vous, président Mbadakhany.